À ce moment précis, vous vous apprêtez à accéder à un nouvel épisode de votre émission Destination Série. Retrouvez Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Précédemment, dans Destination Série. On ne commence pas un Destination Série sans déjà sans avoir... Without Talking, non aussi. Mais là, depuis un moment, là, je rattrape tout ce qu'on a eu en 2025 en Modern Talking, en absence de Modern Talking. Mais on les aime quand même, hein, y a pas de souci. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to breathe. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise, oh she's only looking to me. Cette actu avec Benoît et Sylvain. Il y a Sylvain. Oh là là là, j'ai une promotion. C'est incroyable. Bah oui, il fallait quand même bien. Oui, on va essayer d'être à la hauteur. Là, je suis perturbé. Alors, c'était le petit cadeau. La fameuse Scarpetta, adaptée des romans à succès de Patricia Cornwell. Elle est arrivée donc cette semaine. Elle s'appuie évidemment sur le rôle principal tenu par Nicole Kidman. Et pas que. Et pas que, puisqu'il y a aussi Jamie Lee Curtis, Ariane DeBose, Bobby Cannavale et Simon Baker. Simon Baker qui est... Qui était Simon Baker? Alors, Simon Baker. Je sais. Alors là. Alors. Hein, pas de point pour Manon. C'est le Mans, le Manta. Rien. Le Mentaliste. Le Mentaliste. Mentaliste. Le Mandalorian. C'est drôle. C'est ta meilleure blague de la journée. C'est la meilleure blague. Il fera pas mieux. Je voudrais remercier mes parents. C'est ça, tu peux. Je reviens à la série Man on Fire qui suivra Crazy, marquée. Est-ce que Manon on Fire? Est-ce que Manon on Fire existe? Pourquoi pas? Manon Fire, ça pourrait être la prochaine rubrique. Manon Fire. Je l'avais préparé celle-là. Ouais, ça doit être ça. Une petite Julie, elle s'appelle Sweet Julie. Et à votre avis, elle vient d'où? Elle vient d'où, Sweet Julie? Elle vient d'où? Elle vient de Suisse. Elle vient de Suisse. Je voulais dire la Star Academy, mais aussi. Ah, elle vient aussi de la Starac. Oui, je pensais plus à cette blague-là. Non, mais elle vient de la Starac aussi. Elle a été éliminée en premier comme motémo. Non, elle a été éliminée juste avant la tournée. Juste avant la tournée. Oh, c'est con, c'est l'année dernière. Franchement, vous les choisissez bien, vos titres. C'est génial. Vous prenez que les gens qui trébuchent à son podium. Parce que c'est génial. Parce qu'il faut aussi leur donner leur chance. Exactement. Et franchement, prenons les perdants. Il y a un créneau à faire. Quand le rideau se fait. Les rires parce que ça te dit absolument rien, Manon. Peut-être. Le mentaliste. Peut-être, Sylvain, un vieux truc que je regardais. Ah, merci pour le vieux truc. Non, mais. Ça veut dire quoi? Non, mais un truc que je regardais avec mes parents quand j'étais très jeune. L'homme de Picardie. Et qui passait à 19h. Je sais pas si vous vous rappelez Santa Barbara. Ah, j'ai jamais regardé. Ah ouais, non. Voilà. Je connais quelqu'un Santa qui Santa Barbara qui me dira non, non, non, la petite chanson et tout. J'ai encore sur ma peau la douceur de tes mains qui se posaient sur moi. Je revois le matin ton corps contre le mien à Santa Barbara. Les vagues bleues du Pacifique. La trace de nos pas. Fini la plage romantique. Tu as pris le soleil. Et maintenant j'ai froid. Santa Barbara, tu me diras pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara, je ne sais pas. Je vais quand même. dans les romances, il a cité Côte Ouest, Dynasty, et bien sûr... La la la la. Ton univers impitoyable. Celui qui n'a pas compris. La, la, la. Un jour il y perdra la vie. La, la, la. Dallas, ton univers impitoyable, et c'est un univers pas si impitoyable du tout qui s'ouvre à vous pendant une bonne heure déjà, puis un peu plus après. Avec Destination Série numéro 852 déjà, le 18e numéro de la saison 24. Et à mes côtés, comme toujours depuis un petit moment, le duo parfait, presque parfait on va dire, parce qu'il y en manque un quand même, que l'on embrasse, bien sûr, je parle de Laurent. Bonjour Sylvain. Bonjour Benoît, oui, il nous en manque un, c'est vrai, ça commence à faire un peu long, mais on essaye d'honorer un peu ça, son esprit et sa, comment dire, ses talents et tout ce qui l'emmène avec lui. Et un beau pré-générique encore, oui. Hein. Et puis avec ce petit final sympathique, on, Dallas bien sûr, parce qu'on aime tous Dallas, J.R. et Wing, mais aussi le petit côté, ce que m'avait dit Laurent d'ailleurs en préparant l'émission, le côté pétrole, parce que le pétrole en ce moment, c'est vrai. C'est une denrée rare, et c'est vrai que vous n'avez pas pu échapper si vous êtes, si vous déplacez en voiture, ou même pas, si vous déplacez pas forcément en voiture, vous savez tout le mal qu'il y a avec le pétrole qui flambe. Et on aura beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Exactement. Beaucoup d'actualité. Beaucoup d'actualité. Et franchement, là, ça fait, on n'a pas trop de bol depuis qu'on est en, tous les deux là, parce qu'on a déjà pas mal eu de dommages à faire et ça va continuer. Et c'est quasiment un triplé, hein, ce soir. Malheureusement. Un triple mage. Voilà, on y reviendra dans le 7 Actu. On a eu des décès importants cette semaine et deux que l'on a appris aujourd'hui même. Bien sûr, nous reviendrons sur Bruno Salomon, mais pas que. Car on a appris, on peut le dire déjà tout de suite, le départ d'Isabelle Mergault et, aussi surprenant que ça puisse paraître, il n'était pas immortel. Chuck Norris est parti. Malheureusement, oui. Allez, on va commencer quand même par le rétroviseur et oui. De voir un petit peu ce qui se passait, même si c'est difficile de poursuivre après ce qu'on vient de dire. Oui, merci pour avoir plombé l'ambiance. Bah oui, mais malheureusement... Parce qu'on va déjà avoir une charge pour tout à l'heure. Donc, alors voilà, mais voici donc on y va. Le rétroviseur de la semaine. Le rétroviseur 2.0. Alors, qu'est-ce qu'il y avait cette semaine à, comme série à, est-ce que déjà tu as une petite idée comme ça? Parce que la semaine dernière, je ne te l'ai pas demandé. Est-ce que tu sais quelle serait potentiellement la série de la semaine? La meilleure série de la semaine? Ouais. Erika, non, parce qu'on voit qu'elle patine. Elle patine, ouais. Oui. Maison de retraite avait pas trop mal marché la semaine dernière. Ouais. On a sûrement un meurtre qui traîne quelque part dans les tiroirs. Exactement. T'as quasiment tout dit. Mais alors, il y avait un grand retour cette semaine avec un inédit et il a tout écrasé. Allez, on va pas ménager le suspense. À la cinquième place, c'était samedi Cassandre. Oui, avec bah oui. 2 841 000 téléspectateurs et près de 14,7% de part de marché. Cassandre est cinquième cette semaine, samedi. Elle a écrasé largement The Voice qui est en difficulté sur TF1. À la quatrième place, et ben là, on y retourne. On y retourne, non. Meurtre à l'île ah, de Ré. Ah oui, en quatrième. C'était hier soir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 3 millions 2 téléspectateurs hier sur France 3 avec un épisode Meurtre à l'île de Ré, une rediffusion en hommage à Bruno Salomon, puisque voilà, il jouait dans Meurtre à... donc France 3 a rediffusé cet épisode, 18,3% de part de marché. Et première audience de la soirée, largement devant Erika. À la troisième place, bon, une perte de 2 places, mais quand même très peu de perte d'audience, 499 000 téléspectateurs en moins, mais premier, hein, avec 3 043 000 téléspectateurs, Maison de retraite, la série, et 17,2% de part de marché, et ben les gens sont revenus. Et oui. Et moi aussi, d'ailleurs. Et moi aussi, d'ailleurs, aussi. Et franchement... ils ont profité pour passer Maison de retraite 2, le film, oui, cette aussi. Semaine. Je pense qu'ils surfent sur la vague. Ils surfent sur la vague, et franchement... Moi, je suis assez surpris de l'engouement, mais... Oui, parce que c'est pas très qualitatif, mais... Voilà, c'est donc, bon enfant et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Un public. Voilà, et puis c'est vrai que la grande force, c'est ce mélange de générations. Hein, cette mixité intergénérationnelle entre les anciens et les jeunes. Et puis, quand même, Daniel Prévost était exceptionnel. Oui, j'avoue qu'il exceptionnel. Tient le haut du panier. Il tient le haut du panier. Et même Enrico Macias, d'ailleurs, qui a un petit côté... Oui, un peu décalé, où il ne sait pas jouer de la guitare, il ne sait pas chanter. Un peu décalé, mais voilà, finalement, sympa, ouais. Au spectacle, il a quand même peu surpris tout le monde. Puis il se moque un peu de lui, parce que... C'est amusant, ouais. Effectivement, il fait que celui qui ne sait pas jouer de la musique, alors qu'on sait très bien quand même qu'Enrico, il s'est gratté. Tout à fait. Allez, à la deuxième place, c'était vendredi dernier, Tropic Criminel avec 3 790 000 téléspectateurs et 22,2% de part de marché. Ce vendredi 13, c'était la première audience pour Tropic Criminel. Bien sûr, toujours là, au rendez-vous, à la première ou à la deuxième place. Et à la première place, il revenait mardi. Il a tout écrasé sur son passage avec 5 020 000 téléspectateurs. Alex Hugo. Hugo, bien sûr. Mais voilà, oui. On est un peu imperméable, Alex Hugo. Hein. Aussi bien, enfin Laurent, je crois qu'il regarde de temps en temps, mais si on prend pas le train voilà. Au début, c'est dur de le reprendre ensuite. Voilà, donc on est un peu imperméable ici, mais il y a une fan base. Hein. La fan base est très très large. Confirmé. Puisque 5 millions de téléspectateurs. À côté de nos pauvres 3 millions en tête la semaine dernière, là, on est vraiment... voilà. Et donc, Alex Hugo, qui est donc la série la plus regardée de la semaine. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse. Tu m'as présenté, mais on a oublié de présenter Manon, qui sera là avec nous tout à l'heure. Oui, bien sûr. Je n'ai pas présenté Manon parce qu'elle n'est pas là en physique, mais on l'aura bien sûr au téléphone. Voilà. En live, quand même. Voilà, effectivement, tu as raison. Et je vais regarder... Les audiences, alors j'ai poussé que j'ai mis un petit bout de papier parce que j'avais écrit... Les audiences de quoi papier. De la Starac, pour savoir qui a perdu. Mais non, les audiences, on est toujours dans les séries, la Starac est finie. Arrête de se moquer, mais il se moque, hein. il a pris la confiance. Bah non, maintenant je prends la liste par le bas pour savoir ce qu'on va écouter. Oui, donc, non, je voulais voir l'audience de SWAT, qui était de retour quand même cette semaine. 1 996 000, 11,2%. C'est quand même pas terrible pour le retour de SWAT. Et on avait également Erika, 2 335 000. Tu en parlais tout à l'heure. Bon, alors, je sais pas si tu as regardé. Ça un finit peu, pas. Mais pas cette semaine. Ça finit pas terrible. Hein, parce que, c'est la fin, là, cette semaine. Non, non, oui, non. C'était la fin. C'était, donc, y aura-t-il une saison 3 ? Il faut espérer parce qu'on en laisse un étalé sur le sol avec une crise cardiaque, mais je ne vous dirai pas qui. Après, est-ce que les audiences françaises comptent pour le choix américain ? Alors, je suis moins sûr de ça. Alors, je suis moins sûr, mais bon, ils ont quand même un peu peur parce que l'audience n'est pas aussi forte. Alors, même si les replays, le replay est quand même pas trop mauvais sur la première soirée, ça s'est encore affaissé la semaine dernière. Et là, on était loin de 2 335 000, 13% part de marché. C'est quand même pas bien terrible. Hein. J'avoue. Voilà. Je voulais vous donner les audiences d'hier. C'est dommage que vous n'ayez pas l'image parce que tu fais honneur à Laurent avec tes fiches, tes cahiers, tes notes manuscrites. Bah oui, parce que là, franchement, on a eu une petite panne de réseau au niveau du rétroviseur. Merci de lui faire honneur jusqu'au bout. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est comme si c'était Laurent, là, avec ses petits bouts de papier. Tout pareil. C'est vrai que ça y ressemble. Mais bref, dans quelques instants, attention, je ne l'ai pas dit, mais comme il est là, je n'ai pas parlé de Secrètement Vôtre, mais c'est dans quelques instants. Avant cela, ça pourrait être une catégorie hommage, mais ce n'est pas un hommage. C'est tout nouveau, c'est tout chaud. Et vous savez, comme j'aime vous sortir les petites pépites qui viennent de sortir. Et celle-ci, elle est plutôt pas trop mal. Et qui c'est qui ouvre la petite case ? Je me demande bien ce que c'est. Ouais, fais pas l'étonner, je te l'ai dit. Non, mais j'ai envie de jouer naïvement. Alors, jouons naïvement. Le titre est sorti hier, je crois, vers minuit. Incroyable. Ils sont en tournée. Il est en tournée. La tournée a commencé cette semaine. Il était à Berlin. Il va faire plein de dates un peu partout. Un chanteur allemand, effectivement. Qui, eh bien, si Laurent aurait été là, nous l'aurait présenté à cette même heure, sans doute, à 18h15. Et comme on veut faire plaisir, nous, eh bien, Tom Anders, oui, dans Destination Série sans Laurent. Vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. On l'a fait. Et on le refera peut-être s'il y a des nouveautés. Voici The Best Is Yet To Come. Le nouveau Thomas Anders spécial sur Fadjet pour Laurent dans Destination Série en direct en ce 20 mars, jour du printemps. Notez-le. Tout est là. Les planètes sont alignées. C'était Tom Anders, Best Is Yet To Come, spécial. C'est presque nostalgique d'entendre Tom Anders dans Destination Série. Ça me fait un coup de, ouais, de c'est nostalgie. Vrai, hein, c'est... Et là, on n'a pas la voix de Laurent qui dit, mais voilà, oui. À retrouver prochainement chez tous vos disquaires allemands. Ça fait du bien, je me sens chez moi. 6 tasses de café posées sur une table. Un canapé devenu presque aussi célèbre que ses propriétaires. Et des conversations qui commencent souvent par une plaisanterie pour finir par parler d'amour, de carrière ou de catastrophe sentimentale. Pendant 10 ans, ces amis-là ont transformé les petits drames du quotidien en moments cultes. Des ruptures maladroites, des mariages imprévus, des chansons absurdes et des répliques que des millions de fans peuvent encore réciter par cœur. Sylvain ouvre le livre des coulisses d'une des comédies les plus célèbres de la télévision, et vous risquez de ne plus regarder ce fameux canapé de la même façon. Une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Chut. Pas de bruit. prêt? Ah oui. Viens, Ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si je meurs, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas, c'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans « Secrètement vôtre ». La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault. Your job's a joke, you're broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you. Bien sûr, on se retrouve entre amis pour 10 saisons d'une série culte qu'on a tous reconnue, rien qu'au générique, avec un petit piège au départ. J'ai vu Benoît avec des yeux, plein de points d'interrogation. Et je me dis, j'avais trouvé tout de suite. Je me dis, mais c'est pas le générique. Non. Et non, il y a une petite chanson de Phoebe là. Et oui, c'est la version originale de Tu pues le chat. En anglais, c'est Smelly Cat. Et je voulais faire un petit hommage à Phoebe avec excellent, sa chanson. Excellent. Donc voilà, c'était la. Le faux démarrage du générique, on va dire. Donc Friends, comme je disais, c'est 10 saisons, 236 épisodes, commencé en 1994, terminé en 2004, et qu'on peut retrouver avec plaisir sur HBO Max si on veut revoir cette excellente série. On ne présente plus les acteurs, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, qui jouait Phoebe, donc Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Diffusée donc de 1994 à 2004, la série donc suit le quotidien de 6 amis vivant à New York, entre histoires d'amour compliquées, carrières incertaines et longues discussions dans leur café favori qui s'appelle le Central Park. Le Central Park. Faut pas que je pose des questions à Benoît. Il est concentré sur la technique. Le Central Park. Central Perk. Perk, oui. Chaque épisode mélange l'humour, bien sûr, situations absurdes, moments d'émotion autour de leur... amitiés. Avec 10 saisons donc, et 236 épisodes, la série est devenue l'une des sitcoms les plus populaires et influentes de l'histoire de la télévision. Alors il faut le savoir, le titre de la série a changé plusieurs fois, parce que ça n'était pas Friends au départ, et la série a porté plusieurs titres provisoires, dont Insomnia Café, bizarre, oui. Friends Like Us, là on se rapproche un peu de l'esprit, Six of One, bon là c'est plus une expression américaine, et le titre définitif n'a été validé que très tard car la chaîne NBC l'a présenté juste avant la diffusion du pilote. Donc c'est vraiment au dernier moment qu'on a su le nom de la série. Le générique également est culte et il a été filmé en pleine nuit et dans le froid, et la célèbre scène effectivement dans la fontaine a été tournée dans les studios de la Warner Bros à Burbank. Le tournage a eu lieu très tard, dans la nuit, pour éviter les visiteurs du studio, et l'eau était glacée, les acteurs ont dû tourner plusieurs prises qui expliquent leur réaction très spontanée et leur rire réel, car ils souffraient à mon avis un petit peu du froid. Ross, bien sûr, que l'on présentera plus non plus, joué par David Schwimmer, devait être le personnage principal de la série. C'était l'intrigue de départ. Et dans les premiers documents, effectivement, du projet, l'histoire est surtout centrée sur Ross et Rachel. Mais la dynamique entre les six acteurs était tellement forte que la série est devenue un véritable ensemble de six amis que l'on connaît maintenant. Jennifer Aniston a également failli quitter la série parce que pendant la saison 10, on est déjà sur la fin, Jennifer Aniston hésitait à partir pour se consacrer au cinéma et la production a finalement décidé que cette saison 10 serait la dernière. Je ne dis pas qu'elle a provoqué la chute, mais on était quand même à la fin d'une époque. C'était la fin qu'il fallait faire. La chanson qu'on a entendue à l'intro, justement, c'est la chanson de Phoebe qui s'appelle « Tu pues le chat » en français. Et elle a failli être coupée parce que cette fameuse chanson « Smelly Cat » était au départ une blague dans un seul épisode. Mais les fans ont tellement aimé et qu'elle est devenue l'une des signatures du personnage. Courteney Cox également ne devait pas jouer Monica car au départ, elle a été sollicitée pour jouer le rôle de Rachel. Effectivement, après coup, on se dit que ça aurait été un peu bizarre. Mais elle a préféré jouer Monica car elle trouvait ce personnage plus fort et plus intéressant comiquement. Et justement, Monica devait initialement finir avec Joey et non pas Chandler. Et oui, dans les premières versions du projet, les scénaristes imaginaient une romance entre Monica et Joey. Et finalement, la chimie entre Courteney Cox et Matthew Perry lors de l'épisode londonien a convaincu les scénaristes de créer le couple Monica Chandler. Ce couple est devenu l'un des arcs narratifs les vraiment les plus appréciés de la série. L'appartement de Monica est également impossible dans la vraie vie, il faut le savoir, parce que cet appartement aux couleurs violettes est devenu mythique, mais il est totalement irréaliste. Le logement est aussi un logement aussi grand dans Manhattan en fait coûterait plusieurs milliers de dollars par mois. Et pour le statut des personnages, ça, c'est complètement décalé. Et en fait, la série explique tout ça en disant que Monica bénéficie d'un loyer contrôlé, hérité de sa grand-mère. Elle en parle dans un des épisodes, ce qui justifie le fait qu'elle a un appartement à Manhattan, ce qui semblait un peu curieux. Gunther, que l'on connaît comme le barman du Central Perk, n'était qu'un figurant au départ. Et ce serveur blond, donc, qui est joué par James Michael Tyler, il n'avait carrément pas de texte au début. Et il a obtenu son rôle simplement parce qu'il était le seul figurant capable d'utiliser correctement la machine à café. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose, des fois. Le célèbre canapé orange que l'on voit dans la série, et d'ailleurs qu'il n'est jamais occupé avant que les héros rentrent dans le café, car s'il n'est jamais occupé, c'est que sur la table, il y a un petit panneau marqué « réservé ». Et c'est pour ça qu'ils peuvent arriver dans le café à chaque fois et s'asseoir à leur place, car il y a une petite pancarte réservée. Elle n'est pas tout le temps là, mais à 80% du temps, on voit cette pancarte comme quoi cet emplacement est réservé. Et ce fameux canapé, justement, n'a pas été fabriqué spécialement pour la série. Ils l'ont trouvé tout simplement dans l'entrepôt des accessoires de la Warner et il était abandonné parmi d'autres meubles. Voilà, comment un canapé, encore une fois, anodin avec un figurant qui sait faire le café se retrouve des icônes en fait, de la série. Et il y a une scène également qui a été réécrite, il faut le savoir, qui a été complètement réécrite après les attentats du 11 septembre. Parce que dans l'épisode de la saison 8, Monica et Chandler sont retenus à l'aéroport parce que Chandler fait une blague sur une bombe. C'est vraiment pas le moment de faire ce genre de blague quand on voit l'actualité. Et donc après les attentats, la scène a été jugée inappropriée et elle a été supprimée et retournée intégralement. Parce que c'était... voilà. Pas vraiment adéquate de présenter là-dessus. Tu voulais dire quelque chose ? Non, je dirai après, mais je pense que tu vas en parler. Donc je te peut-être, laisse, parce qu'il y a beaucoup de choses terminer. Et j'ai fait des choix. Oui, je n'ai pas tout dit. Les six acteurs également ont négocié leur salaire ensemble, il faut le savoir, parce qu'au départ, chaque acteur était payé différemment, mais à partir de la saison 3, ils ont décidé de négocier collectivement, en refusant d'être payés plus ou moins que les autres. Et cette stratégie est plutôt rare à Hollywood, et ça leur a permis d'obtenir $1 million par épisode, chacun lors des dernières saisons. Je pense que tu peux mourir heureux. C'est clair. Il y a de quoi, bah, tu sais plus. Là. Un million par épisode. Mais un million par épisode. Hein. Il y en a eu quelques-uns. D'ailleurs, tous ces acteurs, ils étaient non seulement bien payés, mais ils ont en plus réalisé au moins un épisode. Chaque acteur a réalisé au moins un épisode dans la série. Et le public du studio également... il faut le savoir, influençait, parce que c'était joué en public et il influençait l'histoire. Par exemple, il y a des réactions qui étaient tellement fortes que les scénaristes modifiaient les plans du scénario. Par exemple, lorsque Chandler et Monica se retrouvent ensemble à Londres, où on découvre qu'ils sont ensemble, eh bien, la réaction du public a été si explosive que les scénaristes ont décidé de développer cette relation sur plusieurs saisons. Ce n'était qu'une anecdote qui est devenue, encore une fois, une vérité dans le temps. C'est parce que le public a réagi. Parce que c'est la force de cette série. Étant tourné en public, ils avaient un baromètre immédiat sur ce qui fonctionnait ou pas. Et les rires, d'ailleurs, ne sont pas enregistrés, puisque, contrairement à certaines sitcoms, la série n'utilise pas de rires pré-enregistrés. Les réactions proviennent du public présent dans le studio. C'est la différence d'ailleurs avec des séries où on rajoutait les... Moi j'ai toujours vu en horreur les séries qui étaient... où on rajoutait des applaudissements ou des rires ou des choses comme ça. C'est parce que souvent c'est souvent mal positionné, alors que c'était moins gênant dans Friends, et pour cause, ah oui, parce que c'était vraiment, c'était dynamique et réel, voilà, c'est, les gens applaudissaient ou rigolaient quand il fallait, voilà, quand il fallait rire et non pas de manière. Et enfin, pour terminer, il y a bien eu un final qui a été tourné pour clore la série, qui a été tourné dans le plus grand secret. Il y a eu plusieurs faux scripts pour protéger le secret de la fin de Friends. Et seuls les acteurs principaux connaissaient la vraie fin. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est restée culte, c'est où chaque personnage dépose la clé de l'appartement sur la table. Et c'était un moment qui a été improvisé en vérité. C'est resté culte parce qu'on les voit tous déposer les clés avant de partir pendant le dernier épisode, mais c'était improvisé. Et ce geste, en fait, est devenu un symbole, effectivement, de la fin de leur histoire. Et le dernier épisode a été un événement mondial, il faut le savoir, parce qu'il a été diffusé en 2004 et il a été regardé par plus de 52 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Et le tournage du dernier épisode a été extrêmement émotionnel. Et d'ailleurs, les acteurs ont versé une petite larme parce qu'elle quittait une aventure de 10 ans. Et les acteurs ont gardé quelques souvenirs. Ils ne sont pas partis les mains vides. Chacun a emporté un petit objet du décor. Et comme je vais parler de lui là juste après, le plus célèbre, Matthew Perry, a gardé le panneau Central Perk que l'on voit à l'entrée du café. C'est lui qui l'a gardé. Alors, on va faire un rapide marathon, enfin même pas un marathon, un sprint sur les invités prestigieux qu'on a vus dans Friends. Parce qu'alors là, il y en a eu un paquet, je vais y aller très vite. On a eu Ellen Hunt, Sean Penn, Alec Baldwin, Charlie Sheen, Paul Rudd, qui joue dans Ant-Man, Tom Selleck, Magnum, George Clooney, Noah Wiley, qui joue dans The Pit, Ben Stiller, Bruce Willis, Winona Ryder, Susan Sarandon, Isabelle Rossellini, Hugh Laurie, Julia Roberts, Charlton Heston, Jeff Goldblum, Jean-Claude Van Damme, Robin Williams, Billy Crystal. C'est des monstres de cinéma qui sont passés par là. Et je voulais faire une mention spéciale à trois acteurs en particulier, à Danny DeVito, qui joue le rôle d'un stripteaseur. C'est tellement improbable que c'en est drôle, oui, rien que de le dire. Ouais. Jon Favreau, qui est quand même le créateur et réalisateur du Mandalorian, qui est apparu aussi dans la série. Et je garde le dernier pour la fin, parce que celui-là, il me fait mourir de rire. C'est Brad Pitt, parce qu'en fait, il se présente comme le fondateur du club « Je hais Rachel Green ». Et en anglais, c'est « I hate Rachel Green Club », comme « Fight Club ». C'était la blague de Brad Pitt. Mais je trouve ça tellement génial, en fait. C'est des idées qui sont magiques. Et pour conclusion, parce qu'il faut quand même conclure dans tout ça, je voulais quand même rendre hommage à Matthew Perry, qui nous a quittés récemment le 28 octobre 2023, à l'âge de 54 ans. Et pour beaucoup de fans, il restera jamais l'ami qui nous faisait rire vraiment de manière si personnelle et particulière. Friends, c'est 10 ans d'histoire, des centaines de blagues, des millions de fans qui connaissent encore les répliques par cœur. Et si la vie devient compliquée, il suffit parfois d'un canapé, d'un café et quelques bons amis. Et on avait retrouvé le canapé. C'est ça que je voulais dire. Il y a eu les retrouvailles de Friends. Exact. Vraiment, ça m'avait touché. C'était vraiment, on voyait vraiment que l'équipe était encore là. Hein. Même s'il y avait déjà un absent qui était... Je crois qu'il y avait déjà encore un absent et puis Matthew Perry était pas loin de... était déjà malade. Ouais. Compliqué. Oui. C'était compliqué pour lui. Mais on avait vraiment senti qu'il y avait une équipe. T'imagines, 10 ans. Et des années après, hein, puisque ça fait, c'était donc 2004, hein, tu as dit. Terminé en 2004, et les retrouvailles, c'était dans les 2020, je crois. Oui, c'était un peu de temps avant 2020, les années 2020. Oui. Et donc, on avait retrouvé le canapé, ils avaient recréé en studio, ils l'ont fait à temps avant que Matthew Perry s'en aille. Et franchement, on avait passé un excellent moment et ils avaient effectivement un peu comme toi, bourré d'anecdotes de tournage. Il y en a énormément, mais j'ai fait des choix parce qu'il y en a de trop, quitte à le refaire une autre fois. Encore une audience, ça avait fait une audience du tonnerre, hein, ces retrouvailles. C'est un peu vieilli, par contre, même si je regarde les diffusions, c'est une époque, en fait. Oui, c'est une époque, comme beaucoup, hein, comme beaucoup de séries qu'il faut quelquefois ne pas regarder parce qu'on se fait quelquefois un peu du mal. Mais celle-là, elle reste encore... totalement, et d'ailleurs d'autres générations restent dans notre cœur. Oui. D'autres générations s'y sont mis, hein, puisque les jeunes aussi regardent Friends. Oui, je suis sûr que Manon connaît, on lui posera la question tout à l'heure. Voilà. Merci pour cette belle hommage et beau secrètement vôtre avec Friends. Dans quelques instants, on va ouvrir cette actu. Allez là. Un peu lourd à faire cette actu-là, mais il faut y passer quand même. Mais avant cela, eh bien, un petit mur des hits. Destination série avec Benoît, Manon et Sylvain. qu'est-ce qu'il y a derrière cette case? C'est la fête au jingle, parce que on les enchaîne. Vous la faites, vous la connaissez, Ella Longley. Je vous l'ai passée dans Destination Série il y a quelques semaines de ça, avec son Choosing Texas. Elle a une superbe voix, voici son nouveau titre. Eh bien, comme on était à Dallas, on était dans les rois du pétrole, eh bien voici Ella Longley, la reine du pétrole. Loving Life Again, le nouveau Ella Longley pour vous dans Destination Série. Seasons come like, seasons go, I guess. Ain't it just like me, making all this mess of my head again. I got memories I like to think of when this big old world gets a bit too much. When days are long, I drift away. I play that song I used to play when skies are always summertime blue. Just like that. Again, Ella Longley, j'adore cette chanteuse. Il va falloir que j'aille chercher ses albums. Un petit côté pop country. Il va falloir que je ramène des titres, j'ai des bons trucs en tiroir, dans le tiroir aussi. Franchement, la pop country, là, moi j'adore. C'est... Bon, bref, voilà. Je me réponds un peu avec vous ce soir. En attendant, le 7 Actu. 7 Actu, avec Benoît et Sylvain. Alors... Première information du 7 Actu aujourd'hui, Buffy contre les vampires. Il y avait un reboot qui arrivait et malheureusement, le revival de Chloé Zhao a été annulé par Hulu. Eh oui, la plateforme Hulu a finalement abandonné le projet de reboot de Buffy contre les vampires malgré la commande d'un pilote pendant donc un an auparavant. Et la projection du pilote s'est faite et la chaîne Hulu n'est pas convaincue. C'est bien dommage. Il y avait des doutes apparemment sur l'adéquation artistique, ça c'est ce qu'ils ont dit. Voilà, c'est ça, le produit n'a pas plu et donc c'est clair, en ce moment, voilà, si le produit ne plaît pas, on dit au revoir. Bon, Sarah-Michel Gellar était bien triste que ce projet ne se fasse pas, mais espère quand même, c'est pas totalement enterré, il pourrait y avoir peut-être une autre vision de la suite de Buffy. Donc, un petit espoir demeure. Ah, ils ont créé l'envie. Ils ont créé l'envie. Mais bon, c'est quand même... Voilà, il y avait quand même des moyens mis sur la table. Ils n'ont pas réussi à faire quelque chose. Voilà, il faut prendre le projet autrement. J'ai bon espoir. Ils vont nous ressortir quelque chose. Voilà. On vous tiendra informé, bien sûr, si Buffy revenait. Alors, on avait une autre info aussi sur Peaky Blinders. Je ne sais pas quand tu dis Blinders. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Tu le dis comme... tu aimes, c'est très bien. Eh bien, il y a un film qui est en préparation, mais on va en parler un peu plus tard dans Ça ira mieux demain. Il y a un film, qui, effectivement, sur Netflix, qui est sorti le 20 mars. Oui, on aura la bande-annonce tout à l'heure. Exactement. Alors, la série Off Campus, ce sera votre prochaine obsession. Oui, la série Off Campus arrivera le 13 mai 2026 sur Prime Video et s'annonce comme l'une des nouveautés les plus attendues de l'année, adaptée des romans d'Eli Kennedy. Elle suit une équipe universitaire de hockey. J'ai peur. Et leur relation amoureuse entre passion, rupture et passage à l'âge adulte. Est-ce que E.T. de rivalerie serait passé par là ? J'en sais rien, j'ai mais peur. Ça ressemble aïe, beaucoup. Aïe. Alors, la saison 1 se concentre sur l'histoire entre Anna, une musicienne réservée, et Garrett, star de l'équipe, interprétée par Ella Bridge et Belmon Camely. Bon, c'est des nouveaux, j'ai pas l'impression qu'on les ait déjà vus ailleurs, les noms ne me disent rien en tout cas. Alors, cette série, qui est déjà à peine déjà démarrée, n'est pas démarrée, est déjà renouvelée pour une saison 2. Et la série mise sur un casting jeune et une ambiance romantique dans la lignée des succès adolescents récents. Ah bon, mais on surfe quand même un peu, à mon avis, sur... Je sais pas ce qu'il y a avec le hockey, il y a un effet quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Les jeux d'hiver, les JO. On va nous ressortir Rock Voisine. Hein. Là, c'est Rock Voisine revient, parce que je vous rappelle que Rock Voisine, avant d'être seul sur le sable... Il sera peut-être un générique, remarque. Hein. Avant d'être seul sur le sable, les pieds dans l'eau, eh bien... Il était sur la glace. Et c'est une blessure qui l'a contraint de faire, effectivement... Allez dans la chanson. Bonsoir, tout de suite les titres. For the first time ever in the world, the baby was born laughing. Ri, mi smo si se quema sobre la poêle de la paella. If you put in Siberia, glagla, brrrr, moins 40, smiotza! Tout le monde est parti en sucette. Je déteste la bonne humeur, de manière générale. Quoi. Ça m'angoisse. Les cantis cognent, ils gaulerie. Quand il est malade, il gaulerie. Je l'ai appelé gaulerie. Gaulerie, gaulerie, alléluia. Alors, on l'aura reconnu, c'est Bruno Salomon qui nous a quittés cette semaine à l'âge de 55 ans. Oui, c'est avec une immense tristesse que l'on a appris le week-end dernier la disparition de Bruno Salomon, mort ce 15 mars 2026 à l'âge de 55 ans après un long combat contre la maladie. Révélé au grand public grâce à son rôle de Denis Boulet dans « Fais pas ci, fais pas ça », il avait marqué plusieurs générations par son humour tendre et son énergie unique. Humoriste, comédien de cinéma, de télévision et de théâtre, ainsi que la voix emblématique de Burger Quiz. Et c'est vrai, c'était lui et de Jolly Jumper. Il laisse derrière lui un parcours riche et polyvalent. Son départ crée un vide immense dans le paysage artistique français et dans le cœur des fans qui ont suivi ses rôles et ses performances depuis les Nous c'est nous, c'était lui également jusqu'à ses derniers projets. Sa mémoire restera à jamais attachée à la joie et au rire qu'il a semé tout au long de sa carrière. Alors c'est vrai que moi je me rappelle aussi pour Caius dans Kaamelott, où il jouait le pauvre Romain, le dernier Romain en Bretagne. C'était sympa, mais voilà. Il nous a quittés malheureusement et je crois qu'on le reverra dans un dernier rôle. Ouais, effectivement, la dernière apparition de Bruno Salomon sera visible dans la saison 2 de la série policière A Priori, diffusée dès le 26 mars sur France TV, puis le 31 mars sur France 3. Décédé à 55 ans, l'acteur avait tourné les premiers épisodes avant de quitter la production en raison de sa maladie. Il apparaîtra une dernière fois, notamment par sa voix, dans les deux premiers épisodes de cette nouvelle saison. La suite de la série se fera sans lui, avec de nouveaux acteurs pour reprendre le flambeau. Il nous manquera. Effectivement. Et il y a eu beaucoup d'hommages très positifs et c'est quelqu'un qui était très apprécié. Exactement, oui. Incroyable. Jean Dujardin était en larmes. Voilà, beaucoup. Il y avait vraiment effectivement un bel hommage qui lui a été rendu. Et puis France 3, comme je le disais tout à l'heure, qui lui a rendu aussi hommage avec un meurtre à l'île de Ré qui a cartonné, qui était en tête de l'audience hier. On a également une autre information qui est triste de dernière minute, qui date d'aujourd'hui. C'est Isabelle Mergault, qui est réalisatrice, actrice et humoriste. Elle nous a quittés à 67 ans. Alors, elle n'était pas dans des séries en tant que premier rôle, mais elle a participé à énormément de projets. C'est pour ça qu'on voulait lui adresser un petit message aussi. Le monde du spectacle, lui, effectivement, est en deuil avec la disparition d'Isabelle Mergault, décédée ce 20 mars à l'âge de 67 ans, après aussi un combat contre le cancer révélé dans les années 80 par ses rôles comiques. Elle avait su toucher le public par son énergie unique et son humour profondément humain. Elle s'était ensuite réinventée en autrice et réalisatrice, rencontrant un immense succès avec « Je vous trouve très beau », récompensé par un César. C'est vrai qu'elle était incroyable dans ce film. Alors, c'est elle qui l'avait réalisé. Qui l'avait réalisé, oui. Au théâtre comme au cinéma, elle a marqué les esprits par sa liberté de ton, sa sincérité et son attachement au rire, souvent teinté d'émotion. Avec sa disparition, c'est une voix singulière, chaleureuse et profondément humaine qui s'éteint, laissant un vide immense dans le cœur du public et du paysage culturel français. Et elle restera pendant longtemps la voix des grosses têtes, cette voix un petit peu particulière qui nous faisait rire. Si vous étiez sur RTL et que vous découvriez les grosses têtes depuis bien longtemps, elle était là avec sa petite, son petit rire et ses petits... Son zozotement, voilà, comme tu dis, Sylvain. Voilà, ciao Isabelle et... Oui, ils repasseront certainement des choses avec elle, on espère en tout cas. Et enfin, je dirais que c'est le monstre, oui. C'est l'idole. Chuck Norris, le mythique acteur de Walker Texas Rangers, nous a quittés hier, le 19 avril. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. Aujourd'hui, le monde du cinéma et de la télévision pleure la disparition d'une légende. Chuck Norris, décédé hier à Hawaï à l'âge de 86 ans, acteur, artiste martial, cascadeur et véritable icône de la culture populaire, Chuck Norris a marqué plusieurs générations grâce à son charisme, sa discipline et son humour légendaire. C'est bien sûr pour son rôle emblématique dans la série Walker, Texas Rangers, que le public se souviendra le plus de lui. Pendant plus de 8 saisons, il incarnait Cordell Walker, ce ranger intègre, courageux et inflexible, symbole de justice et de droiture, capable de régler les conflits avec ses poings, mais toujours avec un sens profond de l'honneur et de l'humanité. La série a non seulement popularisé les arts martiaux à la télévision, mais elle a aussi fait de Chuck Norris une figure incontournable de l'action et de la pop culture des années 90. Au-delà de la télévision, il aura aussi laissé sa marque de cinéma dans des films cultes comme Delta Force ou Code of Silence et dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Aujourd'hui, nous rendrons hommage à un homme dont la force, la discipline et le sourire resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Chuck Norris n'est plus, mais son héritage continue de vivre à chaque coup de poing, à chaque cascade et à chaque épisode de Walker Texas Rangers. Chuck Norris ne meurt pas, il se repose éternellement et c'est sa décision. Oui, c'est dur de parler après ça parce que c'est... C'est vrai que c'est... Bon voilà, c'est compliqué. Il a bercé nos dimanches après-midi pendant c'est très vrai. Longtemps sur la Une, sur la première chaîne. Oh oui. Et voilà, donc encore un grand personnage qui s'en va. C'est compliqué cette actu. C'est compliqué semaine. Avec trois personnages vraiment qui ont marqué, qui nous ont un peu marqué, Laurent, Sylvain et moi. Et donc on voulait à notre modeste... Manière leur rendre ce petit hommage. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et je pense qu'on avait envie d'en parler en tout cas. Allez, comme un hommage, avant de retrouver Manon, Christophe Maé et Francis Cabrel s'associent pour nous chanter La boutique des rêves. C'est une très très belle chanson qui rend hommage à tous ceux qui, avec leurs mains, eh bien, créent des choses. Et je pense que les trois à qui nous venons de rendre hommage auraient apprécié cette chanson de Christophe Maé, La boutique des rêves, et ce très beau titre. À l'abri des passants, au bout d'une ruelle, moi je suis l'artisan des choses les plus belles. Pour faire rêver les gens d'un tour de manivelle, en m'appliquant, je fais les choses les plus belles. Je fais au mieux dans ma fabrique, je fais ce que je peux dans l'arrière-boutique. Je passe mon temps à mettre en flacon ces choses qu'on ne trouve pas dans vos rayons. Je mets des mots dans des alambics, j'ai des stocks de notes uniques. Je vends du vent et des voix d'ailleurs, l'école, dirais, je me lève à pas d'heure. À l'abri des passants, au bout d'une ruelle, moi je suis l'artisan des choses les plus belles. Pour faire rêver les gens, d'un tour de manivelle, en m'appliquant, je fais les choses les plus belles. Je regarde la vie sur le trottoir, il y a des cœurs rouillés que je répare, des tas de souvenirs que je restaure dans l'atelier derrière mon store. Il y a plein de sourires devant ma vitrine, c'est mieux que la vie tout ce que j'imagine. Amuseur ou caresseur d'âme, ouvert même la nuit, messieurs dames, à l'abri des passants, au bout d'une ruelle, moi je suis l'artisan des choses les plus belles. Pour faire rêver les gens, d'un tour de manivelle, en m'appliquant, je fais les choses les plus belles. Un petit coup d'harmonica de Christophe Maé, puis il y a la guitare de Francis Cabrel derrière, une très très belle chanson que l'on ne manquera pas. Passer quelque chose de léger, c'est de réécouter. Ça fait du bien. Allez, maintenant vous savez, elle est là, et bien là. On ne l'a pas présentée tout à l'heure, on va s'en prendre une derrière les oreilles, mais on assume. Destination série, le Manon série quiz. Bonjour, on m'entend? Oui, oui, bonjour Manon. On t'entend Manon, bonjour. Bonjour, bonjour. Eh, je vous ai entendu là avec cette actu off campus là. Ça a l'air d'être une dinguerie, ça va pas du tout être un outil de rivalerie. Hein. Bah, on ne sait pas, c'est du hockey, on a eu peur. Je connais les livres, j'en ai lu un, j'ai lu le premier. Franchement, ça va être incroyable. Moi, j'attends que ça. Donc vous avez bien fait d'en parler. Bon, on va essayer alors. On va goûter le produit. Allez. Et j'ai une super nouvelle pour toi Sylvain, devine. T'as regardé Friends? Non. Non, t'as regardé Le Jeu de la Dame. Et oui. Ah, attends, j'aimerais avoir ta réaction à chaud. Eh bah ben déjà, l'acteur du renard, j'adore. Bon, ça, c'était vendu d'avance, oui. Mais la série en elle-même. Non, mais ça m'a bien motivé à regarder et franchement, j'adore. J'aurais aimé une saison 2, en fait. Ah bah là, non, c'est un livre, hein, donc... Ben ouais, mais j'étais à la fin du dernier épisode, j'étais en mode... Je dis pas que des bêtises, hein, mes conseils sont pas tous en carton. Eh ouais. Non, mais du coup, pas mal. Merci pour cette recours. Bah, merci pour Night of the Seven Kingdoms. on est quitte. Eh ouais. Bon, allez, par contre, bref de plaisanterie, là, on va un peu jouer, parce que c'est pour ça qu'on est là. Exactement, ça marche. Ok. Je vous donne des speeches, vous connaissez. Est-ce que c'est des vrais ou des faux? Et si jamais vous avez, bah, j'accepte la réponse. Vous êtes bien concentré, c'est bon pour vous? On est concentré. À mort. C'est parti, on commence. Une capitaine excentrique résout des meurtres en province avec des méthodes peu conventionnelles. Est-ce qu'elle aurait une chapka? Ouais, c'est pas... Je te donne un indice, là, je t'aide, Benoît. Oui, capitaine Marlow. Eh oui, c'est bien capitaine Marlow. Je voyais dans ses yeux, il l'avait, mais il était loin au fond du cerveau. Capitaine Marlow. Très bien, c'était Capitaine Marlow. On continue. Un club de lecture enquête sur la disparition d'un auteur dont les romans sont autobiographiques. Oh là, déjà j'ai mal au crâne avec l'intro. Un club de lecture... Wow. Attends, redire une fois. Un club de lecture enquête sur la disparition d'un auteur dont les romans semblent autobiographiques. Ah ça, si t'as inventé ça, rien que la phrase déjà, elle est compliquée. Ça doit exister, ça quand même. Mais non. Non, tu dis que ça existe pas. Non, parce qu'elle a fait exprès de faire compliqué pour brouiller les pistes. Ah, bon, bah tu... Ouais, bon. Alors, c'est quoi votre verdict? Moi, non, mais alors, Benoît a dit que ça existe. Moi, je sais pas, ça pourrait bien exister. Moi, je pense que ça existe. Non. Eh ben, ça n'existait pas, mais franchement, ça donne envie aussi. Ah, tu vois. Et il connaît le... Il a le... Mais non, essaie de brouiller les pistes, il commence à la décoder. Il a le décodeur de Manon, Sylvain. Ouais, il y arrive. Une commandante fraîchement revenue de congé maternité reprend du service dans le sud avec un thrill très direct. Ça existe. Dans le sud? Oui, oui, c'est celle de la blonde, là. ok. À 7, le tournage a lieu à 7. Oui, c'est pas quelqu'un que t'aimes bien, d'ailleurs. comment elle s'appelle? Corinne Touzet? Non. Non. C'est ça, Manon? Je sais pas, je ne donne pas d'indice. Comment s'appelle la série là sur France 2, mais elle a changé de chaîne, elle est passée sur France 3, je crois, maintenant. On va avoir une musique de Bénil au pré-générique, là, maintenant. Ça commence par un C. Oui, c'est... Cassandre Non. Non, c'est pas Cassandre. Après, il y a un A. Je vais appeler toutes les lettres. C'est pas Cassandre, non, c'est... Alors, je voudrais... J'achète un E. Après, il y a un N, plutôt. Candice Renoir. Bah oui, Candice Renoir. Elle t'a mis du temps. Hein. Oui, bah oui. Bien loin, celui-là. Ah oui, mais c'était bien ça. Ah, c'est ça. Candice Renoir. Oui, c'était ça. Bon, on est vendredi soir. On accepte. Elle est bien on blonde, effectivement. Voilà, ok. Ok. Tu l'avais pas. Pas du tout. Zéro. Une ville adopte un couvre-feu sans qu'aucune menace ne soit officiellement annoncée. C'est vrai, c'est faux. Ah, il manque des bouts dans ton histoire. Oui, parce qu'un couvre, pourquoi un couvre-feu s'il n'y a rien Non, c'est pas vrai ça. Ça ressemble à une série qui s'appelle Le Dôme. Le Dôme. Il y a une attaque. Bah non, en fait, il se retrouve sous un dôme. Bah oui, mais parce qu'il n'y a pas d'attaque. Bah, si, il n'y a pas de couvre-feu en même temps, ça n'a rien à voir. Non, ça n'existe pas, Manon. Je parle pas de dôme, je parle de couvre-feu. Ça n'existe pas. Il y a quand même une attaque dans Dôme. Non, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, effectivement, vous disputez pas. Allez, une dernière. Oui. Une série où chaque épisode suit une enquête criminelle dans une région différente. Ah bah, c'est les meurtras. Eh ben oui. Ah yes. Bon. Il fallait quand même que j'en parle, parce qu'on n'en parle pas assez, mais ils marchent de ouf, les meurtras. Oui, c'est vrai. J'avoue. Enfin, justement, on en parle peut-être un peu trop. C'est peut-être le contraire. Non, mais c'est bien. Je vois que tu favorises ton père, c'est très bien. Oh, je... oh là là. Quand il sera noir, meurtre. Oh, bah, il était gâté ce soir. voilà pour moi aujourd'hui. Bon, la prochaine fois, tu nous mets un Kaamelott au moins. Ah, j'ai déjà fait, je peux plus. Hein. Oui, il a déjà fait. Du Friends pour nous surprendre. Oui, du Friends. Ah, c'est vrai, c'est vrai. I'll be there for you. For you. Bon. Merci Manon. Merci Manon. C'était encore un grand moment. Merci à toi. On a patiné comme d'habitude. Profite bien de ton week-end et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Oui, bon week-end. À très vite. Aussi. Bon week-end Manon. Allez, bye bye. Merci Manon.